tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h si vous avez raté le début. Cette semaine, les transidentités, pour une fois racontées par les trans. Une série de Perrine Kervran réalisée par Annabelle Brouard. Au départ de cette série, il y a des conversations dans les couloirs de France Culture avec Hélène Azéra et l'envie de partager sa colère intacte et son humour décapant. Il y a aussi ces choses qu'on ignore et que l'on a honte d'ignorer. La transphobie, toujours virulente, et les politiques normatives et eugénistes, et l'assassinat de Vanessa Campos. Et enfin, il y a le plaisir joyeux de parler avec quelqu'un qui est finalement en accord avec son identité. Mais il y a aussi la construction du genre et la façon dont la transphobie autorise ou pas de faire son coming out. Alors pour commencer, les personnages. Une femme qui a dû se faire un prénom, une romancière qui passe, une militante qui décrypte, un sociologue qui décode et un autre qui ne cherche pas à passer. Des trans qui font la révolution, une chercheuse qui invente son genre, une autre qui se méfie de l'anonymat, une militante qui en a vu d'autres, un militant qui passe inaperçu et une performeuse qui ne veut pas perdre le pouvoir. Ensuite, le décor. Des vestiaires, des éclaboussures, une table d'examen, la peur de ne pas être crédible, des trains, des contrôleurs, des consensus, la différence sexuelle, un séminaire queer, le souvenir de Christine Jorgensen, des passages à tabac, des cellules, le féminisme, indispensable, les textes de Butler et Preciado, les Kings, la rue et des hommes enceints. Aujourd'hui, troisième épisode, on a rendez-vous boulevard Barbès avec nos maillots de bain. Hélène, t'as eu le bonnet? La piscine, on a commencé avant tout en 2013. On a commencé à faire les premières démarches pour obtenir un créneau horaire pour les personnes transgenres. C'est aussi ouvert à notre entourage proche. Et quand on dit ça, c'est aussi en pensant aux personnes trans qui ont des enfants, qui sont en couple, etc. On arrive à la piscine des Amiraux. Allez, moi, je reste ici un peu. J'attends. Et donc, au premier étage, il faut enlever les choses. C'est une vieille piscine carrelée, une piscine art déco, art nouveau. Et là, la piscine est vide. On l'a pour nous tout seul. Certains disaient que ça faisait 40 ans qu'ils n'allaient plus à la piscine. Le fait d'avoir initié leur transition, ça a été aussi le moment où il y avait une rupture avec le sport, avec l'activité physique et avec les lieux publics sportifs. Le créneau permet aux personnes de venir s'épanouir tranquillement sans la crainte du regard outrancier, du vestiaire qui ne sont pas adaptés et de devoir se justifier ou de devoir s'empêcher tout court d'aller faire une activité comme une toute autre personne. Trans, uniques en leur genre. Le dire, ne pas le dire, à qui le dire, comment le dire et puis surtout dire quoi. Parce que finalement, l'idée pour les personnes transgenres, c'est juste de dire qu'elles sont elles-mêmes. Et ça, ça ne devrait pas être si compliqué à dire et surtout si compliqué à entendre. Les transidentités, pour peu qu'on ait un peu de curiosité, obligent tout le monde à se déplacer et à questionner cette notion si mouvante, construite et relative qu'est le genre. Le genre qui, comme chacun sait, mais il faut le rappeler aux fâcheux, n'est pas une théorie. Et cette question de dire ou de ne pas dire, Marie-Pierre Pruvot, qui est romancière et qui a été une vedette du cabaret Le Carousel, elle se l'est posée toujours. On m'avait appelée Cathy chez Madame Arthur. Et quand je suis rentrée au Carousel et que le patron a vu que j'avais beaucoup de succès, il a décidé qu'il me mettrait l'année suivante comme meneuse de revue, et il m'a convoqué un jour, il m'a dit « Il te faut un nom qui fasse carousel. Te présenter 3 noms, tu en choisiras un, et ce sera pour la vie. Oh. » Bon, j'ai choisi Bambi. Vraiment, Bambi ne me plaisait pas beaucoup parce que c'est un nom masculin. Ensuite, j'ai adoré le carousel. J'ai adoré ma vie d'artiste. J'ai eu un grand plaisir à faire la jolie, à paraître, à monter des numéros. à faire des tournées. Et puis j'ai vu le temps passer et je me suis dit, tu peux pas continuer comme ça, tu peux pas attendre que le spectacle te quitte. Et je me suis dit, non, il faut y mettre, quitte à sacrifier cette vie-là. Et je me suis réadapté. Ce que je voulais, c'était vivre une vie anonyme, être Madame Pruvot. Et j'ai beaucoup apprécié qu'on ne sache pas qui j'étais. J'avais très peur d'ailleurs, puisque j'avais peur qu'on me reconnaisse quand j'étais enseignante. Les premiers temps, après, je n'y pensais plus. Ça aurait été un scandale que moi, Bambi, 20 ans de cabaret, je sois là en tant que Madame Pruvot qui fait des cours à des élèves. Certains auraient dit, mais c'est dangereux pour les enfants d'avoir des gens pareils. C'était impossible. Vous n'aviez pas l'impression de finalement de vous cacher, comme vous aviez dû vous cacher tout au début de votre vie ? Non, je me cachais pas. Vous le disiez à vos proches ? Ah non ! Non, mais personne. Comment voulez-vous que j'en vienne à dire mon passé ? Non. J'ai eu deux peurs dans ma vie. Une, c'était à Kerqueville, c'est-à-dire à Cherbourg, et à Garges-lès-Gonesse. On était encore dans le collège en préfabriqué qui tombait en ruine, littéralement. Et la salle des profs était grande comme... C'était même pas aussi grande que mon salon, était grande comme ça. Et on était serrés comme ça, debout, à prendre notre gobelet de café le matin. Et un beau jour, un jeune professeur, à l'autre bout de la pièce, me dit « Mademoiselle Pruvot, il y a du monde entre nous comme ça. Vous avez vu le petit travesti ?» J'ai senti que je tremblais sur mes jambes. Je me dis, mais qu'est-ce qui va me sortir ? Mais qu'est-ce que c'est que cette hurluberlue qui me dit une chose pareille ? Il se fraye un chemin, il s'approche de moi, il me dit, comment, les élèves vous ont pas parlé du petit travesti ? Je dis, non, ils m'ont pas parlé du petit travesti. Et il me dit, ah, parce que en classe, je dis, nous allons faire une vedette. Qui vous voulez faire Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Françoise Hardy, enfin, je ne sais pas qui. Et les élèves ont dit, non, on veut faire Mademoiselle Pruvot. Et en effet, on est venu me montrer, c'était une sorte de une marionnette en bois et habillée comme moi, une perruque filasse comme ça, avec les cheveux, une frange, là, le bandeau d'indienne, un jean et des sabots. Les sabots François Villon. Ça m'a fait très peur ce jour-là. Vous savez, je me suis dit, c'est pas possible qu'on me reconnaisse et qu'on me nomme par ce mot de travesti. Beaucoup de trans sont exhibitionnistes, pas toutes, mais beaucoup. Moi, par exemple. et voilà, il faut. Moi, je suis debordienne, donc tout ce qui est bon apparaît, tout ce qui apparaît est bon. Vous avez l'impression que. Il y a beaucoup de personnes trans qui souhaitent vivre dans cette obscurité, en se cachant, garder l'anonymat. Moi, je ne vais pas dire en se cachant, c'est un choix. À une période de ma vie, mon visage n'avait pas été touché par le sida. Comme on dit chez nous, je passais à peu près. Hélène Azéra est journaliste. C'est bien agréable de passer inaperçue. Femme de radio, militante, voilà, d'acte. Il faut le dire... Il y a une idéologie de la visibilité qui me fait un peu peur. C'est une force de pouvoir dire « je vous emmerde ». Mais on paye cher. Une amie autour de moi, elle était caméra woman à la télé, et puis elle a fait justement son coming out, et bien elle n'a plus de travail. Paradoxalement, le terme passing, Ça veut dire quand même de passer dans la société sans être reconnu. Donc ça veut dire être invisible. C'est-à-dire de ne jamais être trahi. C'est ça le passing. La première fois que j'ai subi un examen médical que m'avait demandé mon endocrino, on m'a dit « déshabillez-vous complètement » et donc il me met sur la table d'examen. Mathilde Daudet est romancière. Là, j'avais vraiment une vraie angoisse parce que c'était la première fois que je passais devant le corps médical et c'était pour moi le jugement final. Quoi. Est-ce que mon passage d'un genre à l'autre était véritablement réussi? Et puis on commence à discuter avec ce monsieur absolument charmant du reste, qui commence à me parler de mes prothèses mammaires et qui me dit « est-ce que je les supporte bien ?» etc. Enfin, il commence à me poser des questions donc sur ma vie de femme. Je réponds très sagement à toutes ces questions. Sur le sujet des enfants, il me dit que j'avais un corps qui était vraiment pas marqué par les grossesses. Je lui confirme en lui disant que j'ai fait beaucoup de sport et que par conséquent, j'ai conservé effectivement un corps à peu près potable malgré mon grand âge. Et puis, il commence à aller un peu plus loin. Il me dit « Et est-ce que vous vous souvenez de la date de vos premières règles ?» Et là, cette question, en plus des autres, est venue me provoquer chez moi un fou rire que j'ai pas pu réprimer. J'ai donc dit à ce médecin que j'étais effectivement transsexuel et qu'il n'y avait pas... Il avait son échographe à la main. Et il s'en est débarrassé, le pistolet a rebondi sur mon ventre. Et il est parti en se prenant la tête dans les mains et en disant « Oh putain, putain, putain, putain !» Il est revenu, il m'a rendu le rapport, il m'a dit « J'ai été forcé de dire que vous me l'aviez dit. » J'ai dit « Mais moi ça ne me gêne pas docteur, c'est vous qui sembliez gêné, c'est pas moi. » Ça s'est terminé comme ça. Mais c'était pour moi l'examen réussi, avec mention. Parler du passing, il faudrait redéfinir qu'est-ce que c'est la transphobie. Donc la transphobie, c'est le rejet. Et la haine envers toute personne, travestie, transgenre, transsexuelle, hein, ou supposée de l'être. Donc ça veut dire, ton apparence fait penser que tu n'es pas crédible en tant que femme ou homme transgenre. Passing donc est un terme qui au départ signifiait le fait de passer pour blanc quand on est une personne racisée et qui a été réapproprié par les trans, qui est d'ailleurs un terme qui est utilisé couramment par les trans. J'ai un bon passing, j'ai pas un bon passing. Là où la transphobie se cristallise le plus, c'est quand les personnes n'ont pas un passing parfait. Giovanna Rincon est militante, telle que la société impose aussi, et fondatrice de AcceptST. Au somme, et femme aujourd'hui dans une société où il faut être tellement belle, tellement bien habillée, tellement bien colorée, tellement bien, etc. Et là, tu peux imaginer tout ce que la personne subit. Pour une personne transgenre, le défi, c'est de devenir le moins repérable possible. De faire en sorte que la faille ne se voit pas du tout. Que là où il y aurait un doute, la personne, elle va faire tout le nécessaire pour que le doute ne se pose pas. C'est une angoisse permanente parce que est-ce que j'ai la voix suffisamment crédible? Est-ce que ma morphologie est suffisamment crédible? Est-ce que je marche correctement? Est-ce que je réponds ou pas? Tous ces questionnements autour du passing, c'est la folie pour les personnes. Et c'est pour ces raisons que pour pouvoir lutter vraiment efficacement contre la transphobie, pour normaliser la vie, la présence, le droit à être partout pour les personnes transgenres, il faut aller au-delà du changement d'état civil. Il faut aller au-delà de cette notion de réassignation des parties intimes, puisque le problème, il n'est pas là. Le problème, il est dans ce putain de passing. Je pense que maintenant, beaucoup de gens ne cherchent pas le passing. Certains le cherchent, et alors ? Kate Bornstein, qui est une femme trans, on pourrait dire maintenant non-binaire, mais qui disait un truc, moi, qui m'avait scotché, « Passing is oppressive ». Je me souviens, elle disait, alors je vais voir la phoniatre, parce que des fois, faut apprendre à placer sa voix. Et en France, imaginez, quand on veut être une vraie femme en France et qu'on veut bien passer au niveau vocal, sonore, il faut demander à la phoniatre de parler comme un colibri, un oiseau, je sais pas quoi. Et elle disait, mais non, moi je garderai ma voix. Sam Boursier est sociologue. Mais ces choix sont possibles. Maître de conférence à Lille 3. À condition qu'il y ait une culture trans qui vous soutienne. Performeur et fondateur du séminaire Le Zoo. Donc je pense que la notion de passing, moi je passe pas par exemple. Je passe pas parce que moi, ce que je veux faire comprendre ou affirmer quand je suis dans les situations sociales, et c'est tous les jours dans mon quartier où j'habite depuis 15 ans, ou dans le train, la SNCF, on me dit, bon, madame, je vais pas reprocher aux gens de me dire madame, mais par contre, je leur dis, c'est monsieur. C'est pour dire, ah, en fait, on va faire quelque chose de consensuel, c'est moi qui décide, c'est pas méchant, mais c'est, voilà. Alors pour moi, c'est fatigant, parce que je lui dis, voilà, c'est monsieur, mais je suis un homme trans, mais je suis pas non plus un homme, enfin, bon, là, ça devient... Mais c'est ça qui est intéressant. Le genre devient, pas une transaction commerciale, mais contractuelle et consensuelle. Ben, pourquoi pas? Je suis OK. On est tellement éduqués à respecter, finalement, le musée de la différence sexuelle qu'est la France, que du coup, ça va être très dur, parce qu'il y aura beaucoup de résistance, mais les résistances, c'est à gauche comme à droite, c'est les profs à la fac. Moi, mes collègues, encore une fois, si j'ai un étudiant un peu folle, mais tant mieux qu'il soit folle, qu'il fait un exposé, et il est maniéré, me dit mon collègue. J'ai dit, ah oui, alors? Ah ben, c'est de sa faute si on se moque de lui. J'ai dit, pardon. Est-ce qu'il faut que j'explique qu'il est hétérocentré ou qu'elle est hétérocentrée? C'est quoi le problème? Donc, une masculinité féminine n'a pas le droit de s'exprimer. C'est ça que tu es en train de dire. On est là, quand même. On est là. Ziplocs and potions, I love my lip gloss and lotion. I fuck with some bunkers, they cook me gumbo and okra. Look inside my soul, please call Deepak and Oprah. Le Zoo, séminaire queer, 1998-1999. Le Zoo est une association qui regroupe tout type de minorités politico-sexuelles. Des PD, des gouines, des trans, des bi, des transsexuels, des transgenres et toute espèce en voie de création. Des lesbo-trans, des hétéro-gays, des gouins. Le Zoo revendique la création de départements d'études lesbiennes et gays, de queer studies dans une France qui tremble de tous ses membres devant le spectre du multiculturalisme et du communautarisme. Nous sommes fiers de l'ancrage politico-sexuel de nos identités et de nos identifications, de nos cultures, de nos actions et de nos modes de vie. Je soutiens le zoo, je lui donne des sous, ce qui ne préjuge en rien de mes inclinations sexuelles pour les animaux. On a commencé le groupe queer Le Zoo en 95. C'est le premier groupe queer en France et on cherchait un nom et puis on a dit un peu ce qu'on essayait de faire. Ils ont dit, ah bah alors, comme il y avait des PD, des gouines, des trans et tout ça, ils ont dit, ah c'est le zoo là. On a dit, bah ouais c'est ça et on va inverser le regard maintenant. On n'est plus les animaux du zoo. C'était tout le moment où quand même émergeait beaucoup la théorie queer, on va dire blanche états-unienne, de la première vague avec Butler, Deloretis et tout, on était vraiment là-dedans. Il faut voir qu'il n'y avait rien de traduit. Donc une grande partie des séances, c'était on lit des trucs, on transmet. Par exemple, le trouble dans le genre, avec ce titre un peu pathologisé en français, enfin, Gender Trouble, le bouquin serait très important de Butler, on a dû le traduire oralement, je ne sais pas, 5-6 fois. Quoi. On a fait pareil avec Wittig. On faisait des séances de cinéma, des séances de porno féminisme. Donc c'était la politique du savoir en fait. Et pour vous, Sam Boursier, c'était un soulagement, c'était une divine surprise de trouver tous ces textes sur votre route à ce moment-là, dans la fin des années 90. C'était pire qu'un soulagement, c'était une révolution. Parce que quand j'ai lu Butler, pour moi, ça s'est éclairé. C'est-à-dire qu'il y avait une resexualisation de toutes ces problématiques, une politisation de l'identité. Donc moi, j'ai vécu, c'est vrai, j'ai de la chance. Butler, ça a changé ma vie, le bouquin. Je critique Butler en tant qu'intellectuel public, parce que je pense qu'on ne peut pas critiquer le néolibéralisme et demander 6000 euros pour parler, dans le sud de l'Espagne en crise ou au Brésil. Je crois que c'est pas ce qu'elle préfère dans sa vie, mais c'est ce qu'elle a fait de mieux. Dans les années 90, alors je pense qu'il y avait déjà beaucoup de personnes qui transitionnaient ou... Les gens disaient, parce qu'à l'époque, on utilisait beaucoup la terminologie female to male, male to female, qui venait des États-Unis. Et déjà, je me souviens, il y avait des activistes du gars qui disaient, mais en fait, c'est female to unknown, on ne sait pas. Mais moi, je me souviens, j'allais à Londres, Della Grace, qui était un photographe de la communauté assez important, était là. Et quand on allait chez lui, dans le jardin, il y avait des gens qui shootaient la testostérone. À l'époque, on disait les testosterone girls. Et c'était très lié aussi au drag king. Et on voit bien maintenant quels sont les liens qu'il peut y avoir entre des ateliers drag king qui vous mettaient la tête à l'envers et puis justement toute cette production différente de la masculinité, y compris féministe. Donc quand elles ont commencé à vouloir devenir des trans, forcément, elles ont produit de la masculinité féministe. Donc c'était, enfin, je m'excuse, mais c'était juste génial, quoi. On peut pas rêver mieux. En quelques réunions, je comprends que je peux me construire comme femme trans, que je suis pas obligée de singer la féminité, et certainement pas une féminité biologique que je ne peux évidemment pas avoir. Maudieuse Thomas est autrice. Et Le Zoo, cofondatrice de l'Observatoire des transidentités. C'est un contexte où les gens eux-mêmes, physiquement, c'est des corps, des silhouettes, dégenrés, agenrés, androgynes. À ce moment-là, je n'ai pas du tout de ça, je ne veux pas en avoir. Ce corps dégenré dans ce contexte-là, eh bien, il est complètement raccord. Tout ça, c'était extrêmement important. La personne qui est devant moi est au premier abord authentiquement féminine. Vous êtes un cas, vous êtes un phénomène et vous êtes une souffrance. Et pourtant, il y a quelque chose dans la vigueur des épaules, en même temps que dans la taille, qui introduit un doute. Est-ce qu'on peut dire quel était le prénom que vous aviez ? De l'homme que vous étiez, que reste-t-il ? À quel moment vous êtes-vous aperçu que... C'est une chose difficile. Et quand est-ce que vous avez opéré, comme vous dites, cette transition ? Reste-t-il toutefois une nostalgie ? À partir de quel moment vous vous êtes dit... L'enfant que vous étiez... Je ne suis pas bien dans ce... Le garçon que vous étiez. Jouer à la poupée. Corps de garçon. C'était le moment où la question trans est devenue une espèce de question obligatoire... dans la philosophie, et des fois, je trouve... Bon, ça me fait l'histoire de binaire, non-binaire. Je dis, mais arrêtez, binaire, non-binaire, c'est binaire. Et pourquoi c'est binaire ? Il n'y a que deux trucs, il y a binaire et non-binaire. Donc, c'est des alliés, hein. Voilà, s'il y en a une qui se fait tuer, ils sont à la manif. Mais il y a des fois... On faisait des petites piques sur les queers qui sont là à jongler avec « on va déconstruire le genre » pendant qu'il y avait des trans de 17 ans qui étaient dans la rue. Vous n'avez jamais été tentée, Marie-Pierre Prouveau, par le militantisme ? Justement, on aurait pu se dire, après 68, vous auriez pu décider finalement de militer pour la cause transidentitaire, transgenre. Bon, yo, vous savez, j'aime pas beaucoup ce militantisme-là. C'est un militantisme qui a été très scandaleux. J'étais très opposée à ça. Ça me faisait peur. Je trouvais ça ridicule et je trouvais ça dangereux. Parce qu'il me semblait que, surtout nous, n'avions pas à militer pour quelque chose. Nous avions à être des femmes ou pas. Et c'est comme ça que la société nous accepterait ou ne nous accepterait pas. C'était ma seule politique, c'est la manière dont j'ai mené ma vie. Il est vrai que quelquefois, les sociétés ont besoin qu'on les secoue. Je ne sais pas, je ne m'y intéresse même pas. Ça me dépasse complètement. J'ai mené ma vie, que les autres mènent la leur maintenant s'ils veulent. Mais je souhaite naturellement que les gens vivent la vie qu'ils ont envie de vivre. Le fait que maintenant... on puisse affirmer être non-binaire, c'est juste génial. Et comment on n'y a pas pensé avant ? Et en même temps, c'est la culture trans qui a généré ça. Donc à l'intérieur de la culture trans, il y a tout ce travail sur la différence sexuelle et sur la binarité. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, parce qu'ils sont en train d'ouvrir la voie au fait que, hormone par hormone, opération par opération, et d'ailleurs, moi, je ne fais pas les opérations, j'ai pris la testo, j'ai arrêté, peut-être que je ne la prendrai jamais, et je suis vraiment super content que la communauté trans me dise pas « t'es pas un vrai trans ». C'est quand même génial, quoi. Et ça veut dire que l'autodétermination de genre, elle va pouvoir être accessible à tout le monde. Et je vois qu'au Canada, là maintenant, toute l'administration a décidé de ne plus genrer. Et c'est super important. Je disais avant, moi je croyais pas à la révolution, j'avais pas compris que j'étais dedans. Dans la rue, des tenues charmantes, maquillées comme mon fiancé. Garçon, fille, l'allure stupéfiante, habillée comme ma fiancée. Cheveux longs, cheveux blonds colorés, toutes nues, dans une boîte en fer. Il est bel, il est beau décrier. L'outragé, mais j'en ai rien à faire. J'ai pas envie de l'avoir nu. J'ai pas envie de le voir nu. Et j'aime cette fille aux cheveux longs. Et ce garçon qui pourrait dire non. Passons à présent aux personnes surprenantes de la semaine. D'abord, ces deux demoiselles de la selle Saint-Cloud qui avaient trouvé moyen de se marier légalement. Maire et curé n'y ayant vu que du feu. Deux jours après que ces dames, unies par les liens d'un mariage des plus provisoires, étaient expédiées sur la paille humide des cachots, on apprenait qu'un ancien monsieur, si j'ose dire, devenu nouvelle dame, venait de devenir maire. Tout cela est stupéfiant, mais c'est ainsi. Ces êtres-là, décidément, sont beaucoup plus perfectionnés que les androgynes qu'avait imaginé Platon. Même si les choses sont tolérées maintenant, elles ne sont pas admises. J'ai quand même eu pas mal de rencontres avec des gens du masculin. Et je veux dire qu'à chaque fois, notre histoire s'arrête dès que je parle et que je raconte qui j'ai été. Dans l'intimité, même après un rapport sexuel et après une vie commune de 6 semaines, quand vous dites « il faut quand même que je te dise quelque chose parce que les choses commencent à être sérieuses » et par conséquent, moi, j'avais pas envie de retourner dans le mensonge, qui était quand même une posture que je connaissais bien depuis 50 ans, je préférais parler. Et le résultat est instantané. Les gens, alors, avec des termes plus ou moins alambiqués, des périphrases plus ou moins longues et des parenthèses plus ou moins fermées, mais ça s'arrête comme ça. Et on dit surtout « il n'y revient pas ». Parce que quelquefois, il y a de la violence. La secrétaire de la première association à laquelle j'ai participé s'est fait tuer par son mari, parce que c'était quand même une liaison qui durait depuis un an, d'un coup de couteau. Un matin, le jour où elle lui a dit « il faut que je te dise un truc, mon chéri », ça s'est arrêté là. Capucine me dit « il faut toujours le nier ». Les gens finissent par avoir un doute. Et alors, pourquoi vous avez décidé, finalement, une fois votre carrière de professeur de français terminée, d'écrire un livre et de raconter cette histoire? Alors, en ce qui concerne le fait de revenir à une sorte de lumière, voilà comment ça s'est passé. Naturellement, j'ai toujours eu envie d'écrire. Et j'ai écrit un livre. C'était une autofiction. Et j'ai écrit ce livre sous un faux nom. Il y a eu une émission de radio de Chris Graffiti. Et Monique Neymer me dit, parce qu'elle était donc éditrice, chez Lagardère, j'ai besoin de quelqu'un qui sache écrire comme toi et qui écrive son autobiographie. J'avoue que j'ai pas su résister. Et c'est comme ça que j'ai écrit mon autobiographie. Une autobiographie d'ailleurs qui n'y a pas plu. Bon, enfin, le manuscrit, je l'ai mis dans un placard. Puis pour finir, ça a été édité comme ça, chez Bonobo. Et Capucine qui vous disait qu'il faut toujours nier, qu'est-ce qu'elle en a pensé de cette idée de tout raconter dans un livre? Elle ne me parle plus. C'est réglé. Et quand vous dites, Marie-Pierre Prouvot, que vous avez sorti vos mémoires du placard, est-ce que c'était une manière, finalement, de faire quelque chose pour les autres, pour ceux qui viennent après, c'est-à-dire de montrer aussi une trajectoire, un exemple? C'est-à-dire que ça avait été l'argument de Monique Neymer. Quand on a fait ce que tu as fait, ça doit se faire savoir pour les autres. Moi, j'avoue que je n'ai pas trop pensé aux autres. J'avais pensé à me protéger jusqu'à présent. Et puis après, j'étais à la retraite. Comme j'étais à la retraite, je pensais moi-même, je ne dois rien à personne. On ne peut pas me chasser. Les élèves, on verra s'ils m'accusent de les avoir trompés ou si, ce qui prouverait qu'ils n'ont rien compris. Parce qu'au contraire, j'ai voulu épargner tout ça, épargner tout scandale. Je crois avoir été un professeur à peu près irréprochable. Non, j'ai pas pensé à faire du bien autour de moi. Non, si ça fait du bien, tant mieux. Si ça fait du mal, tant pis. Parce qu'on peut aussi trouver que ça fait du mal. Beaucoup de gens ont réclamé, ont souhaité, ont pensé pouvoir vivre dans l'anonymat. Et les nombres de retours d'anonymat et les retours vers la visibilité sont extrêmement nombreux. Parce qu'on se rend compte que finalement, pour vivre dans l'anonymat, il faut reconstruire une partie de son histoire. il faut tout le temps veiller, il faut faire attention aux mots qu'on va utiliser, les pronoms. Quand on va parler de son enfance, comment on va parler de son enfance, etc. etc. Et il faut mentir. Voilà, quelque part, oui. Et au bout d'un moment, on se dit, mais c'est pas possible, moi j'ai envie de lui lier une amitié, je peux pas occulter ce truc-là. C'est un frein à l'amitié, c'est un frein à plein, plein de choses. Alors peut-être vous pouvez nous parler, Karine Espinera, justement de ces travaux que vous avez menés sur la visibilité ou l'invisibilité des personnes trans dans les médias et sur l'évolution de ces images, de ces stéréotypes. Je me suis rendu compte qu'en télévision, qu'une personne trans, c'est surtout une femme trans. Cette femme, elle est majoritairement blanche. Quand elle ne l'est pas, c'est qu'elle est souvent associée donc, soit au monde de la pègre, surtout dans les années 70, soit à la prostitution. Et en général, là, elle est racisée. C'est-à-dire que là, on va montrer les filles du bois de Boulogne, etc. Sinon, la figure presque, je dirais, hégémonique, c'est, donc, je disais, une femme blanche, occidentale, elle est citadine, elle est hétérosexuelle, parce que ça aussi, c'est un des critères en télévision qui est massivement représenté. Même encore aujourd'hui, il y a des émissions avec ce type de discours-là. Les hommes trans, on ne les voit pas. En télévision française, en tout cas, on commence à les voir dans les années 80, 82, 83. Ils apparaissent timidement. Et c'est vraiment dans les années 2000 où on commence à voir des documentaires où la représentation des garçons trans apparaît et surtout de façon égale. Ce sont des portraits croisés, donc quelque part, il y a une sorte de parité dans la représentation. Et comment vous expliquez, Karine Espinera, justement, cette écrasante présence des femmes trans dans les médias, des femmes blanches? C'est le côté spectaculaire. Par exemple, si on prend le cas de Christine Jorgensen, donc, qui a passé pour la première transsexuelle opérée de l'histoire, bon, détrônée par Lily Albe depuis. Donc elle arrive à New York en 53, et puis il y a tous les médias qui l'attendent, tous les flashs qui crépitent, etc. Elle est accueillie, mais limite comme une star du cinéma. La première chose qu'il dit, c'est « GIs become a blonde beauty ». Le GI devient une belle blonde. Voilà, c'est ça, le GI devient une belle blonde. Et donc, on imagine un soldat, quoi. Puis un vrai soldat, et qui devient une beauté fatale, quoi, une blonde fatale. Avec tout l'imaginaire qu'on a avec le cinéma américain des blondes fatales. Et on a des pôles qui sont extrêmement éloignés l'un de l'autre. Et les médias ont beaucoup joué pendant très très longtemps sur ça. Et c'est ça qui les a attirés. Ils n'avaient même pas besoin de créer la spectacularisation. Elle était presque là, par nature, elle était presque là. De fait, elle s'imposait limite d'elle-même, quoi. Un homme qui devient une femme. Donc il y a tout un imaginaire qui était associé à cette transition, puis donc celui de la sexualité. Ce soir, nous allons nous intéresser au tabou de la prostitution. Ici, la féminité est poussée à l'extrême. Difficile d'imaginer que ces bombes ont un sexe d'homme. Charlotte est une femme, elle reste sous les lumières de la ville. Samantha, elle, est transsexuelle. Elle travaille donc dans le bois. Des transsexuels totalement marginalisés par leurs différences qui effraient n'ont souvent d'autre choix que de se prostituer. Si on souhaite préserver la mémoire aujourd'hui de mon moment trans, il ne faut jamais oublier que ce sont les trans les plus exotisées, les plus fétichisées, les plus extravagantes, les putes, les transputes, et que ce sont elles avant Stonewall et avant tout, aux États-Unis et partout, qui étaient les plus visibles et les plus militantes. C'est-à-dire qu'être visible à la période, c'était déjà un acte militant. Donc moi, personnellement, en tant que militante, je ne laisserai jamais personne invisibiliser la parole des personnes trans qui se reconnaissent et s'autodéterminent dans le travail du sexe. Pour moi, le travail du sexe, aujourd'hui, est dans mon mapa génétique. À chaque fois qu'on était dans la rue, on se faisait embarquer par les flics. C'était un délit de faciès en permanence. Et les propos de policiers, c'était des propos extrêmement violents par rapport au fait qu'on était des immigrés, par rapport au fait qu'on était étrangers. La maltraitance physique, les violences, j'ai même des cicatrices dans mon corps parce que j'ai été battu par la police en Italie. Et une fois, on était dans une cellule, il y avait plusieurs cellules séparées, mais on voyait à travers les barreaux. De l'autre côté, il y avait des policiers qui avaient tapé une nana trans parce qu'elle s'est opposée, elle faisait résistance, etc. Et donc, ils l'ont rentré menotté des pieds et les mains. Et elle était par terre, et ils ont commencé à rigoler, ils crachaient sur elle, ils lui donnaient coup de pied, lève-toi, bouge, mets-toi, assis-toi, etc. À un moment donné, parce que, il faut savoir que quand on s'est fait contrôler et qu'on s'est fait prendre, on était tout habillé, un peu plutôt déshabillé, parce qu'on était dans le travail du sexe. Et donc, cette nana, évidemment, était un peu habillée légère, on va dire. Elle était à moitié un peu inconsciente, etc. Et les mecs, ils ont commencé à lui introduire la matraque par derrière. Et c'est des choses que tu n'oublies pas facilement, en fait. C'est choquant. Les gens, ils ont le droit de ne pas m'aimer. Mais quand on commence à bloquer pour le travail, là, ça devient autre chose. Et puis, il y a les coûts. La même semaine, j'étais invité à un raout à l'Élysée et je me suis fait taper dans la rue. C'est pour ça que, bon, quand on parle du féminisme avec les trans, une trans qui n'est pas féministe, elle se tire une balle dans le pied. C'est tout. Parce que les mécanismes de la misogynie, de la violence, on les retrouve. Les genres ne peuvent être ni vrais ni faux, ni réalité, ni simples apparences, ni des originaux, ni des imitations. Dans la mesure où l'on porte de manière crédible ces attributs de genre, on peut les rendre vraiment et absolument incroyables. Judith Butler, Trouble dans le genre. Le savoir sur les trans et la construction des corps trans a été fait par des hommes. Ils ne savent pas construire la bite, moi je ne comprends pas, ils ne savent pas. Mais par contre, d'Adam, on peut faire Ève, de la bite, on la retourne, on peut faire un vagin. Il y a eu ça. Et après, je pense que culturellement, mais y compris moi, avant que je devienne féministe ou queer ou trans, etc., on pense spontanément que la masculinité n'est pas construite. Donc je pense que l'idée que la masculinité était aussi construite, ça a mis du temps à s'installer. Et ça, c'est très fort de dire à un moment, et moi je l'ai entendu dans les cultures lesbiennes, dans les cultures drag king, je l'ai appris dans les essais drag king, ou par exemple toute la resignification du god, on nous racontait que c'était un pénis quand on a dit eh oh, c'est peut-être une main, et qu'on a dit la masculinité n'appartient pas aux hommes, elle est partout. Ce que le féministe savait très bien, parce que dès que les féministes ont voulu prendre des rôles soi-disant d'hommes, je sais pas, fumer, cracher, conduire les bagnoles, on a dit que c'était des hommes. Mais déjà là, ça voulait dire quoi? Que bah, la masculinité, mais c'est quoi finalement? C'est quoi la féminité? Moi je voudrais qu'on me définisse un jour ce mot. J'ai fait pas mal de sujets pour la télévision, puisque j'avais publié mon livre, etc. Et quand j'étais avec des journalistes, des consoeurs à vous, notamment, et on me disait à ce moment-là, il faudrait qu'on filme une scène où tu sois vraiment femme. Oui. Qu'est-ce que vous voulez faire? Oh, tu peux te maquiller devant la caméra. Parce que la féminité, pour vous, c'est le maquillage. Alors, non, non, bien sûr que non. Non, non, non, non. Alors... Ou alors tirer chez le coiffeur. Donc voilà. C'est compliqué la féminité. C'est quelque chose qui se définit en France, en tout cas, ou dans l'Occident, par le contraire de la virilité. Alors la virilité, on sait ce que c'est. C'est le monsieur qui rentre, qui fait bouger ses éperons par terre et qui met les pieds sur la table et qui dit « Femme, amène-moi un whisky ». Ça, c'est la virilité. Alors la femme doit être tout le contraire. Alors elle doit crier quand elle a peur, parce que l'homme doit pouvoir la rassurer, la prendre dans ses bras, lui dire « Mais chérie, n'aie pas peur, je suis là. Il ne t'arrivera rien. » Mais ça dépend ce que vous appelez la féminité. Moi, je voudrais qu'on me le dise. Ça s'est plutôt bien passé, ça va. À l'université Lille 3, Sam Boursier donne un cours sur le genre à travers la performance. On avait donc une citation de Richard Schechner, qui était « Le monde n'apparaît plus comme un livre qu'il faut lire, mais comme une performance généralisée à laquelle il faut participer. » Bon. Je vous avais demandé de vous rapprocher. Vous voulez pas vous rapprocher? Hé hey! Oh! S'il vous plaît, rapprochez-vous, parce que c'est mieux pour qu'on discute les perfs. Donc on regarde la perf, et puis après on réagit. Ok? pas, on peut peut-être commencer. C'est qui les premiers? Barbitch. Si on dit le genre est une performance qui a besoin de se répéter pour tenir debout si elle veut être normative, que la drag queen fait une performance genre pas très différente de la femme sexy, hétéro, quand elle va à un mariage ou quand elle veut vraiment apparaître et être lue comme très féminine, on voit que cette notion de performativité, on peut l'utiliser aussi dans la pédagogie. Où je propose aux gens, enfin aux étudiants et aux étudiantes, de faire une performance genre dans l'espace public. On s'est changé dans les toilettes d'au champ et il a fallu partir des toilettes jusqu'au niveau du rayon. Et d'entrée, il y avait le vigile qui, moi, m'a dévisagé en mode « Mais qu'est-ce que tu fais habiller comme ça ?» Donc c'était assez difficile de me mettre dans la peau de Barbie. Il y en a un qui est venu nous voir, il nous a dit « Bah, tu veux pas que je sois ton Ken ?» ou « Que je sois ton Ken ?» ou alors, bah, à la fin, c'était vraiment fini, on se rhabillait, mais il y avait encore des hommes qui étaient là à nous regarder, bah, c'était fini, quoi. Donc, ouais, le regard, c'est pareil, c'était hyper... on était super mal à l'aise. Est-ce que vous avez imaginé à un moment, justement, une possibilité de réaction ou de changer d'essai de caisse ? Parce que moi, je trouve que dans ce que vous proposez, il y a, bon, je sais pas si ça vous êtes inspiré d'Annie Sprinkle, mais il y a, ou de la pin-up, la performance qui était très bien l'année dernière de la pin-up, où, en fait, l'étudiante faisait la pin-up dans la rue, était noire et réussissait finalement à casser ce regard objectivant en fait. Ce qui est compliqué à faire, ce n'est pas l'objectif nécessairement de la perf, mais ça fait aussi que, bah, au lieu d'avoir une expérience un peu de... hein, ce qui est jamais agréable d'être un objet quand on n'a pas décidé en tout cas, on retourne le truc et on reprend possession de l'espace public. On voit bien que quand une femme est dans l'espace public, surtout si c'est une Barbie, après ça se complique si c'est une Barbie noire, elle est sexualisée, elle est objectivée, par qui regarde, qui mate, etc. Non ? Moi, je trouve ce qui est intéressant, c'est la performance de la féminité, les accessoires, quand tu enlèves les chaussures, etc. Il y a un côté un peu pédagogique, mais je trouve que ça marche assez bien de cette idée qu'il y a plein de prothèses de la féminité. Et que toi, tu es dans la super méga performance de la féminité, qu'en même temps, c'est la norme, c'est ça. Et je trouve que vous êtes bien débrouillée sur la question de la racialisation, qui est compliquée et qui est désagréable aussi, évidemment. Parce que le male gaze n'était pas en vacances, hein, apparemment. Bon, bah, très bien, merci beaucoup. Quelques mois avant ta mort, mon maître Gender Hacker m'offre un carton de 30 sachets de 50 mg de testostérone en gel. Je les garde dans une boîte en verre, longtemps, comme s'il s'agissait de scarabées disséqués, de balles empoisonnées extraites d'un cadavre, de fœtus d'une espèce inconnue, de dents de vampire capables de vous sauter à la gorge juste pour les avoir regardées. À cette époque, je passe mon temps entouré d'amis trans. Certains prennent des hormones en suivant un protocole de changement de sexe et d'autres les trafiquent, se les administrent sans chercher à changer de sexe légal ni à passer par un suivi psychiatrique. Ils ne s'identifient pas comme dysphoriques de genre et se proclament pirates du genre, gender hackers. J'appartiens à ce groupe d'usagers de la testostérone. Pas mal d'hommes trans choisissent de prendre de la testostérone à un moment ou l'autre de leur transition. Et qu'effectivement, la testostérone a des effets qui permettent d'assez facilement, entre guillemets, disparaître, c'est-à-dire de ne pas nous rendre visibles en tant que personnes trans. Et donc, je pense que certains hommes trans ont plus facilement le choix de ne pas dire qu'ils sont trans quand ils ne le souhaitent pas. Et ça peut être plus compliqué pour certaines femmes trans. Mais après, il y a aussi tout un cliché et une idée reçue. C'est-à-dire que les gens n'imaginent même pas qu'un homme puisse être trans puisqu'un homme trans, ça n'existe pas. Mais ont aussi cette idée reçue qu'ils peuvent identifier une femme trans. Les hommes trans, parce qu'ils deviennent des hommes, je pense, suscitent plus peut-être d'empathie. Parce que dans ce qu'on appelle la transphobie, il y a notamment du sexisme, de la misogynie. Et finalement, les gens semblent s'émouvoir plus facilement face à un jeune homme trans qui fait le récit de son parcours que par rapport à une femme trans de la première heure qui sont... Voilà, considérés comme des déclassés. Emmanuel Bobati est docteur en sociologie et chercheur à l'EHESS. C'est beaucoup plus difficile, par exemple, pour des parents d'accepter que son fils devienne une fille que l'inverse. Et ce qui amène énormément de femmes trans à essayer de renoncer à leur désir de changement de sexe et à essayer de s'installer dans une vie en tant qu'homme et du coup à se marier, à avoir des enfants avec une femme, ce qui est un type de parcours qu'on ne retrouve absolument pas chez les hommes trans. Par ailleurs, il y a aussi des femmes trans qui transitionnent jeunes et qui souvent sont les personnes les plus précaires. Parce que quand on est jeune et qu'on n'a pas encore de situation professionnelle stable, eh bien, un soutien parental est indispensable pour ne pas tomber dans la précarité. Et ces jeunes femmes trans peuvent effectivement avoir des, être rapidement précaires. Nous sommes des usagers copyleft. Nous considérons les hormones sexuelles comme des biocodes libres et ouverts, dont l'usage ne doit être ni réglementé par l'État, ni confisqué par les compagnies pharmaceutiques. Quand je décide de prendre ma première dose de testostérone, je n'en parle à personne. Comme s'il s'agissait d'une drogue dure, j'attends d'être seul chez moi pour l'essayer. J'attends que la nuit tombe. Je sors un sachet de la boîte en verre. Et je la referme aussitôt pour être sûr qu'aujourd'hui, pour ma première fois, je ne consommerai qu'une seule et unique dose. J'ai à peine commencé que je me comporte déjà comme si j'étais accro à une substance illicite. Je me cache, je me surveille, je me censure, je me retiens. Le lendemain soir, presque à la même heure, je m'administre une deuxième dose de 50 mg. Troisième jour, troisième dose. Il y a des façons que peuvent avoir les hommes trans de composer avec leur mobilité sociale ascendante. Se dire garçon, c'est se dire jeune. C'est un moyen de réduire la tension de la culpabilité. Et la manière dont on a été éduqué par ses parents, par l'école, ne disparaît pas avec la transition. Par exemple, on va avoir des hommes trans qui ne savent pas comment trop se comporter dans un milieu professionnel où il y a un fort entre-soi masculin. Et en plus de ne pas avoir les codes, ils ont aussi une très forte culpabilité à être assignés à cette position d'homme parmi les autres hommes, parce que ils ne peuvent pas s'empêcher de penser que s'ils avaient encore été des femmes à ce moment-là, eh bien ils n'auraient pas été traités, intégrés de la même manière. Les hommes trans vivent une forme d'ascension sociale de sexe et en viennent à se trouver dans la position, malgré eux, de la position de l'oppresseur de leur groupe d'origine. J'étale le gel sur mes épaules. Premier instant, sensation d'un coup léger sur la peau. Cette sensation se transforme en froid, puis disparaît. Puis rien pendant un jour ou deux. Rien. L'attente. Alors s'installe peu à peu une lucidité extraordinaire, accompagnée d'une explosion d'envie de baiser, de marcher, de sortir, de traverser la ville entière. Mon corps est présent à lui-même. Testo Junkie, Paul Preciado. Quand on est un homme trans racisé, alors là, on se doute bien que c'est la pire configuration possible. Généralement, ils n'ont même pas forcément le temps d'expliquer leur situation, de faire un coming out qu'ils ne souhaitent pas forcément, évidemment, que voilà, on appelle déjà la sécurité parce que, tout simplement, ils sont perçus comme des hommes non trans, migrants, sans papier. Il y a un soupçon de fraude à leur égard qui est systématique. Même quand ils font leur coming out, qu'ils montrent qu'ils sont de bonne foi, eh bien on ne les croit pas. D'une part, peu de gens connaissent leur existence, mais en plus, comme ils sont des hommes, leurs interlocuteurs ou interlocutrices penseront qu'ils inventent une histoire absurde de changement de sexe pour essayer de s'en sortir. Un exemple dans les dispositifs, ça peut être le fait qu'un homme trans qui n'a pas fait une transition et qui ne le souhaite pas peut-être dans ses parties intimes, va être placé dans un foyer où il y a des centaines de mecs qui vont devoir faire la douche ensemble, se dénuder complètement. Pour un homme trans, ça peut être une situation extrêmement délicate. est très dangereuse, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan sexuel. À la limite, une femme transgenre, elle va avoir, entre guillemets, par rapport à l'idée faciès, un privilège, parce que une femme, par rapport au cliché, elle n'est pas perçue comme violente. En revanche, un garçon trans, avec une apparence aperçue comme étant vraiment un agresseur du système, bah, c'est assez compliqué et on le voit. Et les garçons trans que nous suivons ici, c'est assez particulier parce que la plupart ont eu le droit à des contrôles liés au délit des faciès ici. L'autre, c'est un fantasme. C'est marrant, j'ai juste changé de peau. Pourquoi je perdrais le pouvoir? Et la réalité vous rattrape. Je m'aperçois que pendant des années, j'ai été dans un corps d'homme où j'étais féministe, mais je pratiquais un féminisme de loisir. Fia Ménard est performeuse. Parce que je pouvais me défaire de cette peau. Metteuse en scène. Peau. Alors que la permanence de mon corps de femme aujourd'hui fait que j'ai perdu le droit à l'invisibilité. Ce que je veux dire, c'est que moi, qui voyage beaucoup, rentrer le soir à son hôtel, pendant des années, tant que j'étais dans une peau d'homme, j'avais une totale invisibilité. Je pouvais rentrer très tranquillement. Aujourd'hui, je m'aperçois que je suis bien obligé de tenir compte de l'espace, puisqu'on me le rappelle. Voilà, je peux croiser parfois des hommes qui vont me dire des choses et qui finalement me rappellent que d'un seul coup, je n'ai plus le droit à l'invisibilité. Donc ça veut dire que je suis passé du stade d'être en plein pouvoir à celle de la proie. Quand je me suis retrouvée femme, j'ai été extrêmement surprise par la différence de traitement. Alors il y a à la fois, c'était très français, il y a une espèce de prévenance. C'est vrai que j'ai du mal à admettre qu'on me fasse passer devant, qu'on m'asseye du côté de la salle au restaurant, on peut voir la vue sur la foule, que j'ai droit à la banquette. Bon, ça fait partie des bonnes choses, c'est quand même pas très important. Mais d'un autre côté, on ne vous parle pas de la même manière. On vous parle comme une personne gentille, un animal de compagnie sympathique. Et ça, c'est un peu troublant au démarrage. Moi, j'ai trouvé que j'étais d'un coup plus pris au sérieux. C'est-à-dire qu'on ne me parlait pas comme quelqu'un d'incompétent ou comme un enfant, presque. D'un coup, ma parole avait de la valeur. Aaron et Max sont militants à Outrance. C'est pas pour rien que Outrance est aussi une association féministe. C'est parce que, de fait, nos transitions nous donnent à voir de façon très claire les discriminations entre les hommes et les femmes au sein de la société. Et je pense que c'est aussi à nous de nous emparer de ça parce que on a un certain point de vue qui amène quelque chose à la discussion, je pense. Il y a quand même des choses qui sont un peu plus compliquées. Je me sens sans doute beaucoup moins en sécurité dans l'espace public maintenant qu'avant ma transition, parce que avant ma transition, j'étais pas quelqu'un de particulièrement visible, j'étais pas perçu comme une fille qu'on va facilement harceler parce que elle correspond à des critères de beauté particulièrement attirant, on va dire. Alors que si maintenant, en tant que mec trans homo, je marche dans la rue avec mon copain, là oui, j'ai beaucoup plus peur de d'être victime de violences verbales ou physiques que par le passé, quand j'étais pas perçu comme un mec homo. Champagne and it tastes just like cherry cola, C-O-L-A cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola, L-O-L-A Lola, Lola, Lola, Lola. Il y a des subjectivités trans, des masculinités, des féminités différentes. Et c'est ça, à mon avis, qui va complètement faire bouger les choses et faire qu'à un moment donné, il ne pourra plus y avoir cette relation extrêmement tendue entre les 10 hommes et les 10 femmes, ces gens. Évidemment, ça va plus tout régler, mais ça va changer les choses. On vit encore sur cette fiction de la différence sexuelle et de ce qu'on a dans la culotte détermine notre genre. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour tout le monde, que dire, non, basta, quoi, y compris pour les masculinités, parce que je trouve que quand on est un homme cisgenre, hétéro, on n'a pas beaucoup de répertoire de la masculinité, finalement. Et la masculinité est très homogénéisée par le mouvement féministe institutionnel actuel, enfin, les Chiapas et compagnie, on n'arrivera à rien avec ça. Donc ça, c'est fini, puisque maintenant, il y a des hommes trans qui font des enfants, qui sont enceintes, et c'est ça, je pense que c'est la terreur du protocole, évidemment, en France, sauf que ça sera le psychique. Girls will be boys and boys will be girls. It's a mixed up, muddled up, shook Merci à Aaron et Max, Emmanuel Bobati, Sam Boursier, Mathilde Daudet, Karine Espinera, Hélène Azera, Fia Ménard, Marie-Pierre Pruvot, Giovanna Rincon et Modius Thomas. Merci aussi aux associations AcceptST et Outrance. Extrait de Testo Junkie de Paul B. Preciado et de Troubles dans le genre de Judith Butler, lu par Océan. Prise de son Hélène Langlois et Clémence Bonfils. Documentation Antoine Vuillaus et Véronique Le Faller. Archivina Linda Simon. Mixage Catherine Dereté. Trans, unique en leur genre. Un documentaire de Perrine Kervran, réalisé par Annabelle Brouard. LSD, la série documentaire, c'est fini pour aujourd'hui. Et si vous voulez choisir votre vestiaire, bibliographie, lien, nous podcaster pour le coming out ou nous réécouter en secret, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc, et même sur Instagram, LSD, la série documentaire. Demain, dernier épisode, liberté, égalité, transidentité. Et pour toujours plus de documentaires, allez faire un tour sur le site de Tank, notre partenaire, une plateforme qui propose par abonnement une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Et n'oubliez pas nos autres rendez-vous documentaires, Les Pieds sur Terre, Une vie, une œuvre, Création en air et Une histoire particulière.